إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence, donc on continue notre dars dans l'explication de Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Dawud As-Sajistani dans sa manzouma dans laquelle il explique la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et donc on est dans le cours numéro 7 aujourd'hui, et maintenant on commence à expliquer le vers numéro 7 dans lequel l'imam Ibn Abi Dawud il dit: وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شَبَهٌ تَعَالَ الْمُسَبَّحُ. C'est-à-dire, dans ce vers, l'imam Ibn Abi Dawud, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré non plus. Et il n'a aucune, il n'y a rien qui lui ressemble. Et donc, dans ces versets-là, il explique donc ces principes-là et ces points-là qui font partie des fondements de la croyance islamique, des fondements de la aqidah d'Ahl-Sunnah. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique la signification de ce vers. Il dit: هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت بالتوحيد. Donc le Cheikh explique que ce vers que mentionne l'imam Ibn Abi Dawud dans sa manzouma, il dit que c'est tiré de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ikhlas. Qul, dit au Muhammad, ceci, c'est-à-dire, il est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui vers qui tout le monde se tourne dans ses besoins. Lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se tourne et qu'il c'est à lui qu'il demande. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de parents et en même temps il n'a pas d'enfant également. Et il dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Hein? Et cette sourate, elle a été nommée Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce qu'elle est exclusivement consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une sourate qui parle uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh explique, il dit: وَالْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ إِمَّا تَوْحِيدٌ وَهُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ بِهِ وَإِمَّا أوامر ونواه وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار فهذه السورة خلصت بالقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا فهي في التوحيد ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل. Donc le Cheikh explique que le Coran, il peut être divisé en trois catégories ou en trois parties, c'est-à-dire par rapport au thème et au sujet qu'il contient. Et la première catégorie, c'est le tawhid, un tiers du Coran, c'est le tawhid, et c'est-à-dire toutes les informations qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont rapport avec son adoration, qui ont rapport également avec l'interdiction du shirk aussi. Donc, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui a rapport avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdictions. Et tout ce qui est relié avec ce qui est halal et ce qui est haram parmi les règles de la sharia. Et la troisième catégorie, c'est tout ce qui a rapport avec les informations au sujet des messagers et des nations précédentes et tout ce qui a rapport avec le passé et l'avenir et par rapport aussi également au paradis et à l'enfer. Donc, le cheikh, il dit que cette sourate al-Ikhlas, elle est consacrée uniquement à la première catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid et les informations au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle équivaut dans son mérite à un tiers du Coran, comme ça a été mentionné dans plusieurs hadiths, comme par exemple des hadiths rapportés dans Al-Bukhari et Muslim, qui mentionnent que Sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad, il équivaut à un tiers du Coran. Et le Cheikh, il dit ensuite, لأنها خلصت بتوحيد الله وهذا وجه تسميتها سورة بسورة الإخلاص. Donc étant donné que cette sourate elle est consacrée uniquement au tawhid et tout ce qui a rapport avec l'unicité d'Allah, donc à partir de ce moment c'est pour ça qu'on l'a appelée سورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات له جل وعلا قل هو الله أحد هذا إثبات الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي فالنفي عنه النقائص أو فنفى عنه النقائص وأثبت له الكمال. Donc le cheikh explique ensuite que cette sourate, sourate al-Ikhlas, elle comprend la négation et l'affirmation. La négation de toute imperfection et de toute imperfection et de tout défaut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on nie tout ce qui pourrait être attribué à Allah comme imperfection et comme défaut. Et on affirme la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette sourate, il y a les deux catégories. Al-Ithbat et Al-Nafi. On nie tout ce qui est imperfection et on affirme tout ce qui est perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il mentionne قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Donc, ça, c'est l'affirmation. Allahu samad, ça aussi, c'est une affirmation. Et لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ça, c'est la négation. Donc, on nie que Allah subhanahu wa ta'ala soit engendré et qu'il ait des descendants ou des enfants, et on dit qu'il n'y a rien qui peut être comparé à lui. Donc ça, c'est pour nier toute imperfection et toute faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui affirmer la perfection. Wa qawluhu Allahu ahad, yani huwa wahidun la sharika lah, yani la sharika lahu fi rububiyatihi wa la fi ilahiyatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi. Fahuwa wahidun fi anwa' at-tawhid al-thalatha. Donc, le cheikh explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est unique, c'est-à-dire qu'il est unique et qu'il n'a aucun partenaire, ni dans sa souveraineté, c'est-à-dire on connaît les trois catégories de tawhid, hein, pour que quelqu'un soit considéré musulman et qu'il soit considéré comme étant un muwahhid, quelqu'un qui a établi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa foi en Allah, il faut qu'il respecte trois choses. Il faut qu'il respecte l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyya, c'est-à-dire dans sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui est le créateur de toutes choses, qu'il est le seul maître de tout, que c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir, que c'est lui seul qui gère tout ce qui se produit dans l'univers et qu'il n'a aucun associé dans ça. Hein? Ça c'est tawhid al-rububiyya. Et bien entendu, tawhid al-rububiyya c'est la base. Et la majorité des hommes sur la terre, ils ont accepté et reconnu Tawhid al-Rububiyya. Même les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient des idoles, ils acceptaient ce fait. Et il ne niait pas que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître et le seul créateur de toutes choses. Et c'est pour cette raison-là que dans plusieurs versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulunna Allah. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Si tu demandes aux mushrikins, hein, aux gens de Quraysh, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. » Donc, les mushrikins de Quraysh, contrairement à ce que certains peuvent s'imaginer, ils ne niaient pas l'existence d'Allah. Et ils ne niaient pas non plus que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur du monde et qu'il est le seul maître de toutes choses. Mais le problème avec les mushrikoun de Quraysh, c'est que malgré qu'ils affirmaient l'existence d'Allah et qu'ils affirmaient que c'était lui le seul maître de tout et que c'était lui le seul créateur, malgré ça, ils prenaient entre eux et Allah des intercesseurs et des intermédiaires dans l'adoration et ils commettaient donc le shirk dans qu'est-ce qu'on appelle al-uluhiyya. Al-Uluhiyya ou bien Al-Ilahiyya. Et c'est ça ce qu'on, c'est pour ça qu'ils ont été appelés par Allah subhanahu wa ta'ala des mushrikoun et des kuffars. Donc, c'est pour dire que quelqu'un ne sera pas considéré comme étant un muwahhid ou un quelqu'un qui est sur le tawhid ou l'unicité d'Allah jusqu'à ce qu'il ait unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ait rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Donc ça c'est la deuxième catégorie, la première catégorie et la deuxième catégorie de tawhid qui est tawhid al-uluhiyya, hein, le tawhid d'Allah dans son adoration. Hein, qu'on ne doit rien à, on ne doit pas offrir à autre que Allah une forme d'adoration quelconque. C'est-à-dire peu importe la sorte d'adoration, tu dois l'avouer uniquement à Allah seul. Et la troisième catégorie de tawhid également, qui est tawhid dans l'asma wa sifat. Tawhid dans l'asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire que tu dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même et tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et tu dois affirmer ce que Allah et son messager ont affirmé et nier ce que Allah et son messager ont affirmé sans faire de ressemblance, sans chercher à comprendre le comment des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans yani, nier la réalité de ces attributs-là et sans également faire de yani, sans également yani, faire de comparaison ou de ressemblance comme je l'avais dit et aussi sans yani, min ghayri takyifin wa la tamthilin wa min ghayri ta'tilin voilà, tahrif, sans déformer le sens réel des attributs d'Allah. Donc ça, c'est les quatre règles, et c'est ça la base de la foi en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres règles et d'explications à ce sujet-là, et ça implique, par exemple, comme ce qui est mentionné dans ce vers de l'imam Ibn Abi Dawud al-Sajistani, lorsqu'il dit « Wa laysa lahu shabahun » C'est-à-dire que tu nies tout ce qui peut être affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala comme ressemblance. Donc il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas non plus à sa créature. Et parmi les catégories de tashbih qui peuvent être faites de la part de certains parmi les hommes, comme par exemple chez les chrétiens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, donc ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la création. Et il y en a qui donnent à Allah des attributs de sa création également. Ils lui donnent des attributs de faiblesse. Ou bien il lui affirme des caractéristiques d'ignorance ou des choses de ce genre. Comme par exemple les juifs qui ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala en disant que le septième jour, il s'est reposé. Hein? Ça c'est un exemple de faiblesse qu'ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Du fait de dire que après avoir créé les cieux et la terre, il s'est reposé, comme s'il est fatigué. Et ça, c'est, bien entendu, c'est kufr. Il y en a de dire une parole pareille. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Aucune fatigue ne nous a touchés. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Aucune fatigue et aucun sommeil ne le touche. Donc ça, c'est pour dire que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a que les attributs de perfection et on doit nier tout ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala comme imperfection. Et donc ça c'est les bases de ce qui a rapport avec le tawhid. D'accord? Et donc pour que quelqu'un soit considéré musulman, il doit respecter ces trois catégories de tawhid. Sinon, le reste de l'islam qu'il pratique ne sera pas accepté. C'est-à-dire s'il fait la salat, s'il fait le jeûne, s'il fait le hajj, s'il fait la zakat et toutes les autres règles de l'islam, mais qu'il n'a pas établi correctement la compréhension en l'unicité d'Allah et en le tawhid, tout ce qu'il fait comme adoration ne sera d'aucune utilité pour lui et n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » S'ils avaient associé quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration, tout ce qu'ils auraient accompli comme œuvre aurait certes été nul et vain, sans aucune valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Zumar, Fatir, non, c'est Zumar, il dit, on a révélé à toi et on a révélé à ceux qui étaient là avant toi parmi les prophètes que si tu commettais le shirk, c'est-à-dire si tu associais quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration, eh bien, toutes tes œuvres auraient été annulées et vaines. Et tu aurais été certes du nombre des perdants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça à propos de qui? Il dit ça à propos des messagers et des prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et on sait très bien que c'est quelque chose d'impossible, puisque les messagers d'Allah sont protégés de tomber dans ce genre de péché, dans ce genre de shirk. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça comme un exemple pour nous, en même temps que si quelqu'un commet le shirk, peu importe qui il est, ses œuvres seront vaines. Et le shirk, c'est le plus grave de tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse une forme de shirk quelconque avec lui et qu'on associe avec lui dans l'adoration. Mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre. Tout autre parmi les grands péchés qui n'ont pas atteint le degré de shirk majeur ou de kufr. Alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un a fait un autre péché que ça, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il a commis un shirk majeur ou un kufr, il n'a aucun espoir, il sera dans l'enfer pour l'éternité, s'il meurt sur le shirk sans se repentir. Donc ça nous montre le danger du shirk et l'importance d'avertir les musulmans et les non-musulmans aussi contre le shirk, puisque, comme on a dit, c'est la chose qui fait que quelqu'un va demeurer éternellement en enfer. Et en même temps, on sait que dans les pays musulmans actuellement, dans beaucoup de pays musulmans, il y a des gens qui pratiquent différentes formes de shirk. Et par exemple, il y en a qui adorent les tombes, il y en a qui adorent les saints, il y en a qui adorent les morts, il y en a qui font des pèlerinages à ces tombes, et qui vont par exemple faire des tawaf autour des tombes de ceux qu'ils considèrent comme étant des hommes pieux et des saints, et ils vont leur offrir des animaux en offrande et sacrifier à leur tombe des animaux. Et tout ça, c'est des exemples de shirk, des exemples d'association et d'idolâtrie que font certains au nom de l'islam. Et dans certains pays musulmans, comme on a expliqué déjà dans d'autres cours, il y en a qui vont faire des pèlerinages à des tombes dans différents pays musulmans et ils y vont par millions, subhanallah, chaque année dans certains pays, en espérant avoir de ces morts une guérison quelconque ou un bien dans cette dunya ou dans l'akhira. Et tout ça, ça fait partie de la religion des mushrikines et de la religion de la jahiliya. Et ça n'a rien à voir avec l'islam, même si ceux qui le font au nom de l'islam. Donc, c'est important de le mentionner également parce que pour les gens de kalam, comme les Asha'ira, les Maturidiya et les Mu'tazila, pour eux, le tawhid se limite uniquement à reconnaître que Dieu est unique et qu'il y a un seul créateur. Une fois que quelqu'un a reconnu ça, pour eux, il est considéré comme un muwahhid, même si par la suite, il va invoquer des morts et faire des actes d'adoration pour des saints ou des choses de ce genre. Donc, c'est important de comprendre et de faire comprendre également que c'est pas suffisant de dire que Dieu est unique pour être considéré comme étant un muwahhid. hein, quelqu'un qui a unifié Allah dans l'adoration, il faut en même temps rejeter l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il explique, il dit, donc il faut, pour établir, pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire Allahu Ahad, il faut avoir accompli et réalisé les trois catégories de tawhid. Ensuite, il dit wa qawluhu Allahu Samad, ay alladhi tasmudu lahu al-khala'iq, tatlub minhu hawa'ijaha. C'est-à-dire As-Samad, c'est celui vers lequel toutes les créatures se tournent et vers qui ils se tournent pour demander leurs besoins. Hein, lorsqu'ils ont quelque chose, hein, qu'ils ont besoin de quelque chose, ils se tournent vers lui. Thumma nafa. Hein, donc ça, c'est les affirmations. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nie. Et il dit, faqal lam yalid. Yani laysa lahu walad. Hein, fahuwa subhanahu munazzahun anil walad. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nie qu'il ait un fils ou qu'il ait des enfants. Il dit, lam yalid. Il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté, il n'a pas eu d'enfant. OK? Wa hadha raddun 'ala alladhina athbatu lahu alwalad. Et ça, c'est la réfutation de ceux qui lui ont affirmé un fils, qui ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, parmi les mushrikoun et parmi les gens de l'égarement. Parmi les gens qui ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, le cheikh il dit an-nasara haythu qalu المسيح ابن الله ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. Donc c'est la réfutation des juifs, des chrétiens et des juifs. Les chrétiens ont dit que le Messie, Isa ibn Maryam, ils ont dit que c'est le fils d'Allah. Et les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Et parmi les mushrikoun et les kuffars qui ont précédé, également, il y en a eu d'autres qui ont associé ou qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala non seulement de nombreux fils, mais également des filles également. Et dans les religions, dans d'autres religions, parmi les religions des gens qui yani, ont associé à Allah, comme chez les hindous par exemple, et chez les grecs de l'antiquité, et chez les égyptiens avant yani, l'islam, et dans d'autres peuples également, ils affirmaient à Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes de progénitures, des fils et des filles. Et chez les Grecs même, ils affirmaient des pères même, c'est-à-dire des progénitures. Et vous avez même chez les chrétiens aussi le fait qu'ils disent à propos de Marie que c'est la mère de Dieu. Et lorsqu'ils font leurs prières et leurs invocations, ils disent souvent « Sainte Marie, mère de Dieu ». Hein, c'est pour dire, pour montrer à quel point ils sont dans l'égarement à ce sujet-là. Puisque, yani, comment on peut affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala une mère? Donc, c'est absolument ridicule. Donc, ça, c'est des exemples. وَرَدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ فَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَهُمْ يَكْرَهُونَهُنَّ. C'est-à-dire, c'est une réfutation également des mushrikoun de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disaient que les anges étaient les filles d'Allah. Les mushrikoun de la Mecque, ils disaient que les anges étaient les filles d'Allah, et donc ils affirmaient à Allah des filles, alors qu'eux-mêmes détestaient les filles. C'est-à-dire, les gens de Quraysh, quand ils avaient une fille, pour eux c'était la honte. Hein, et ils cherchaient même à l'enterrer vivante pour s'en débarrasser, parce qu'ils considéraient que c'était une honte. Donc, comment ils peuvent détester quelque chose pour eux-mêmes et par la suite l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, le cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ فَهُمْ يَكْرَهُونَ الْبَنَاتِ فَكَيْفَ يَجْعَلُونَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ تَعَالَى وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَقَالَ أم له البنات ولكم البنون أي تجعلون له البنات وأنتم تكرهون البنات ولكم البنون وتختصون بالبنون تختصون بالبنون الذين تحبونهم وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. Donc le cheikh explique, donc comme j'expliquais, que comment vous pouvez affirmer à Allah des choses que vous détestez pour vous-même. Et il cite un verset qui est le verset 62 dans sourate An-Nahl, et je regarde dans la traduction juste pour vérifier. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et leur langue pour faire un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Hein? Donc ça c'est l'exemple de ce verset. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi à leur sujet, est-ce que lui a les filles alors que eux ont les fils? Ça c'est le verset 39 dans sourate At-Tur. Donc ils disent, c'est-à-dire, ils lui attribuent des filles alors qu'ils détestent eux-mêmes les filles. Walakum al-banun, c'est-à-dire vous prenez les fils pour vous-même parce que vous les aimez. Hein, quand ils ont un fils, ils le gardent. Quand ils ont une fille, ils s'en débarrassent. Donc ça, c'est complètement illogique. Et donc, le verset 62 dans Surat An-Nahl, le cheikh, il le cite encore une fois, puis il dit, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لِأَنَّ الْوَلَدْ جُزْءٌ مِنَ الْوَالِدِ فَهُمْ شَبَّهُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بِالْمَخْلُقِينَ وَجَعَلُوا لَهُ الْوَلَدْ وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ. Donc il dit que il cite le verset 15 dans sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. Le cheikh explique ça, ce verset-là, en disant que le fils est une partie de son père, et donc en lui affirmant un fils. Donc, en affirmant à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, c'est comme si, comme le cheikh il mentionne dans ce verset-là, il lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. Ils firent comme si, en réalité, son fils était une partie d'Allah. C'est ça que ça signifie, si ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, puisque dans chaque enfant, il y a une partie de nous-mêmes. Hein? C'est ça ce que ça signifie. Donc, ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Alors que, il est purifié de ce genre de choses. Et ça c'est parmi les exemples et les arguments qu'on donne aux chrétiens également lorsqu'on arrive à discuter avec eux pour leur montrer la contradiction et l'absurdité de leur croyance lorsqu'ils affirment que Isa ibn Maryam est le fils d'Allah. Hein? Donc nous on leur répond, on leur dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Et la majorité d'entre eux, si vous leur demandez par exemple d'expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que Isa est le fils de Dieu, ils répondent en disant que qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que si vous leur demandez est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala a une épouse et qu'il a eu un enfant de la même manière que les êtres humains le font, et ils vont nier cette chose, et ils vont refuser de l'affirmer, parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose d'absurde. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils font parfois? C'est qu'ils interprètent le fait qu'ils donnent un fils à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que ça signifie uniquement que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Isa et qu'il l'a aimé comme on aime son propre fils. Hein? Et malgré tout, alhamdoulillah, l'islam a interdit qu'on utilise ce genre de façon d'exprimer ou de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire qu'il a des fils. Hein? Et si vous leur demandez par exemple, est-ce que vous pensez par exemple, ça c'est juste dans le sens de l'argumentation, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on accepte ou qu'on reconnaît ou qu'on croit par rapport à notre croyance, mais si vous leur demandez, est-ce que vous croyez que par exemple, quand un homme a un enfant avec une femme, il échange un certain nombre de chromosomes, et c'est un nombre égal pour le père et pour la mère. Donc, est-ce que vous pensez que Isa, alayhi salam, avait des chromosomes de Mariam et des chromosomes qui sont d'origine divine et qu'il aurait partagé ça avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, bien entendu, c'est absurde encore une fois. Et on n'a pas le droit de dire ce genre de choses à propos d'Allah. Mais c'est juste pour montrer l'absurdité de leur croyance en ce genre de choses, yani, le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans le Coran, qu'il a créé Isa, et il a dit, kun fakan, il a ordonné à Isa d'être, et il fut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Hein? Donc, ça c'est pour expliquer que l'exemple de, entre Isa et entre Adam, alayhi salam, c'est le fait que yani, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de la terre et il lui a dit sois et il fut. Et de la même manière que hein, Isa a été créé par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Et Adam, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Est-ce qu'on dit de lui que c'est le fils de Dieu à cause de ça? Non. Alors, que dire de quelqu'un qui a une mère? Hein? C'est encore plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de le créer que celui qui n'a ni père ni mère, comme Adam, alayhi salam. Donc, si vous considérez que le fait que Isa, alayhi salam, soit né, que c'est un grand miracle et que c'est quelque chose de grand, alors que dites-vous de Adam, alayhi salam? Hein, qui n'avait ni père ni mère. C'est un plus grand miracle encore. Et malgré ça, on ne dit pas de lui que c'est le fils de Dieu. Alors pourquoi le dites-vous à propos de Isa, alayhi salam? Donc ça, c'est un exemple pour réfuter les arguments des chrétiens qui prétendent que Isa, alayhi salam, est le fils de Dieu. Hein? Et ça, c'est, ça fait partie des arguments. Et il y en a beaucoup d'autres également. Et donc ça, c'est un exemple. Le cheikh, il dit ensuite, ثم قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية لأنها تحتاج إلى حلي وهي فهي ناقصة وهو في الخصام غير مبين. عندما تحصل خصومة ومناقشة تضعف المرأة فلا تستطيع أن تخاصم عن نفسها ولذلك في الغالب توكل من يخاصم عنها. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يقولون إنهم بنات إنهم بنات الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Donc le cheikh explique par la suite, il mentionne le verset 18 dans sourate Az-Zukhruf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que celle qui a été élevée dans les parures et qui est faible dans les argumentations, hein, qui ne peut pas s'exprimer clairement dans les argumentations, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne hein, l'exemple de la femme ici, hein, pour montrer par exemple le fait que les mushrikoun affirment à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils disent que les anges sont des filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de montrer aux mushrikoun, hein, selon leurs propres critères de jugement à eux, comment ils peuvent accepter ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne l'acceptent même pas pour eux-mêmes. Et il mentionne le fait que la femme, elle grandit dans les parures, dans les bijoux. Hein? Et également, lorsqu'il y a une dispute ou un argument, une argumentation, elle n'arrive pas à s'exprimer clairement. Et donc, le cheikh explique, il dit que la femme, donc, c'est comme ça qu'elle est. Ça fait partie de sa nature. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée de cette manière-là. C'est-à-dire, il l'a créée qu'elle a besoin de ces parures-là et elle est déficiente dans ce sens-là. Et il dit, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une dispute, la femme est faible, elle n'arrive pas à se défendre par elle-même. Et ça, c'est en majorité. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des exceptions, ou que parmi les femmes, il n'y en a pas qui peuvent se défendre ou argumenter comme il faut. Mais en général, c'est une caractéristique hein, qui se retrouve dans la majorité des femmes. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour argumenter pour elle. Le cheikh, il dit ensuite, وَقَالَ تَعَلَى وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ. J'espère qu'il n'y a pas des féministes. Hein? Des fois, ici, il y a des féministes, quand ils entendent ça, ils se fâchent. Mais la parole d'Allah, elle est véridique, que ça leur fasse plaisir ou non. Hein? Et le cheikh, il dit, وَقَالَ تَعَلَى وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون. C'est-à-dire, ils ont fait des anges d'Allah des filles de de Ar-Rahman, alors qu'elles sont des serviteurs d'Allah, alors qu'ils sont des serviteurs d'Allah, les anges, et ils en ont fait des filles d'Allah. Est-ce qu'ils ont été témoins de leur création? Est-ce que ces mushrikoun ont été témoins de la création des anges pour dire que ce sont des filles? Hein? فَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Leur témoignage sera écrit et ils seront questionnés là-dessus. Ça, c'est le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf. Donc, le Cheikh dit, فَالْمُشْرِكُونَ وَصَفُوا اللَّهَ بِأَنَّ لَهُ بَنَاتٍ وَالنَّصَارَ وَصَفُوا اللَّهَ بِأَنَّ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ عَبْدٌ وَرَسُولُهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قُلْ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح وليس هو ابن الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لا بداية له سبحانه وتعالى كما أنه لا نهاية له. Donc le cheikh explique que les mushrikoun ont attribué à Allah des filles, hein? C'est-à-dire, ils attribuent ils disent que les anges sont des filles d'Allah, et les chrétiens, eux, ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Hein? Ils ont dit que Isa ibn Maryam est le fils d'Allah, alors qu'en réalité, c'est un serviteur d'Allah, et c'est un messager d'Allah. Et il mentionne le verset 30 dans Surat Maryam, dans lequel il y a la clarification de ce sujet-là, hein? Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Isa alayhi salam a dit Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Allah m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Waja'alani nabiyyan. Et il mentionne le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Il n'est qu'un serviteur sur lequel on a mis notre grâce et nous avons fait de lui un modèle pour les enfants d'Israël. Donc, ça c'est la réponse à ce sujet-là. Donc, Isa, alayhi salam, c'est un serviteur d'Allah et un messager d'Allah. Et c'est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en Maryam et une âme qu'il a créée. Donc, ça, c'est la définition de Isa. Hein? Et la parole venant de lui, c'est-à-dire la parole d'Allah quand il a ordonné à Isa d'être et il fut. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant et il n'a pas été engendré, il n'a pas de père non plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et c'est comme quand on dit par exemple dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Huwa al-awwal wal-akhir ». Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier et c'est le dernier. Donc ça veut dire avant lui, il n'y a rien, et après lui, il n'y a rien. Donc, il est l'éternel, hein? Celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, « Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yad'u fa yaqul, anta al-awwalu fa laysa qablaka shay, wa anta al-akhiru fa laysa ba'daka shay, wa anta al-zahiru fa laysa fawqaka shay, wa anta al-batinu fa laysa dunaka shay. » هذه صفات الله جل وعلا فهو أول بلا بداية ودائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant tu es le premier, il n'y a rien avant toi, et tu es le dernier, il n'y a rien après toi, et tu es al-zahir, c'est-à-dire il n'y a rien qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire c'est toi qui es au-dessus de tout, et il n'y a rien qui est au-dessus de toi, et c'est toi qui es al-batin, c'est-à-dire c'est toi qui es le rapproché, et il n'y a rien qui est plus près de toi, hein, il n'y a rien qui est plus près de toi. Et donc, on voit dans ce hadith que, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et il n'y a rien qui est au-dessus de lui, et il n'y a rien qui est plus près de lui, hein, par rapport aux choses. Donc, les ulama ont expliqué que c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, comme il le dit, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, hein, qu'il est au-dessus de sa création. Mais malgré qu'il est au-dessus de sa création, il est plus près, hein, de, il est le plus près de la créature, dans le sens que il est près d'eux par sa connaissance et yani du fait qu'il les voit et il les entend et il sait tout d'eux. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans plusieurs versets dans le Coran, wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, il est plus près d'eux, il est plus près d'eux-mêmes que leur veine jugulaire, c'est-à-dire la veine qui est dans leur cou. Ou bien dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, hein, et il est plus près de vous-même que wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, c'est-à-dire on est plus près de lui que vous, walakin la tubsirun, mais vous ne voyez pas, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus élevé au-dessus de sa créature, mais en même temps il est le plus près par sa connaissance et par sa vue et par son ouïe et par et en est de fait que il sait tout de ses créatures, hein. Et donc ça c'est ce que ça signifie dans l'explication, hein, l'explication de ces questions de des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a parmi les ignorants, parfois ils comprennent pas, hein, ils comprennent pas la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils essaient de dire, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala peut être au-delà de son trône, puis en même temps savoir ce qui se passe dans sa création? Mais ça, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est, hein, le tout-puissant, hein, l'omniscient, celui qui voit tout et qui entend tout et qui sait tout. Et ça, c'est facile pour lui. Et c'est lui qui les a créés, hein. Donc, c'est facile pour lui de savoir qu'est-ce qu'ils font, et non seulement ça, il a tout écrit, et il a tout prédestiné, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, et qu'est-ce qu'ils vont dire, jusqu'à la fin du temps. Donc, il sait, et pour lui, c'est pas compliqué, et c'est pas difficile, ces choses-là. Et il faut pas essayer de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, hein. Il faut pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala comme une créature ou comme un être humain. Sinon, on tombe dans l'égarement à partir de ce moment-là. Et donc, le cheikh, il dit, هذه صفات الله, ça, ce sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le premier sans début et il est le dernier, hein, sans fin. D'accord? Il dit, وقوله تعالى لم يلد ولم يولد, il dit, ولم يولد هذا نفي للشريك والشبيه لأن الولد شبيه لوالده وشريك له وأيضا الولد إنما يكون للحاجة والله سبحانه منزه عن ذلك هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض فهو غني سبحانه وتعالى عن الولد أما أنتم فأنتم بحاجة للولد فالإنسان الذي ليس له أولاد يكون عنده عجز وضعف. Donc, le cheikh explique, il dit que l'âme yulad, c'est-à-dire, il n'a pas eu d'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant, et il n'en a pas de besoin. Il n'a pas de, et ça, ce verset implique la négation d'avoir des partenaires, ou d'avoir des ressemblances, ou d'avoir des aides, hein, quelqu'un qui aide, qui viennent l'aider. Pourquoi? Parce que le fils ressemble à son père et il est un partenaire pour son père également. C'est-à-dire, il va l'aider dans son travail. Donc, lorsqu'on nie que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils, ça équivaut également à nier le fait qu'il ait un partenaire ou qu'il ait une ressemblance. Également, le père, lorsqu'il a un fils, il a un fils pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un fils. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala a aucun besoin. Il n'a besoin de rien. Parce qu'il est al-ghani. Il est celui qui se suffit à lui-même et qui est riche. Hein, et c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, il est riche. Hein, et il n'a aucun besoin d'avoir un enfant. Tandis que vous, c'est-à-dire, en parlant de nous, on a besoin des enfants. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'enfant parmi nous, il est faible. Hein? Et donc, il a besoin d'enfants pour l'aider dans sa situation ou dans sa vie. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَمْ يَلِدْ هَذَا نَفْيٌ لِلْبِدَايَةِ. Le fait que on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas eu il n'a pas enfanté, ça c'est une négation également d'un début. Wa qawluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-kufu ma'nahu ash-shabih wal-mathil. فالله جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل أي لا أحد مكافئه أو يساويه أو يشابهه أو يماثله أبدا. C'est-à-dire que lorsqu'on dit ولم يكن له كفوا أحد, الكفو en arabe ça veut dire الشبيه, c'est-à-dire la ressemblance ou المثيل, quelqu'un qui est pareil ou qui ressemble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de shabih, il n'a pas de mathil. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut être comparable à lui et il n'y a rien qui peut lui ressembler également. Et la ahadun yukafi'uhu, il n'y a rien qui peut être comparable à lui, qui peut être équivalent à lui, qui peut être égal à lui, qui peut lui ressembler, hein? Il n'y a rien de ces catégories-là. Wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay. فهذا نفي للمثيل والشبيه والنذير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans sourate Shura que il n'y a rien qui est comme lui. C'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble. Et ça c'est une négation de toute ressemblance, de toute comparaison et de toute équivalence. D'accord? Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Hein? Il y en a qui pensent parmi les gens de Bid'a parfois que lorsque on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est affirmé pour lui-même, qu'en faisant ça, on fait une ressemblance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas ça que ça signifie la ressemblance. Hein? Puisque lorsqu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est affirmé pour lui-même, eh bien, est-ce que c'est nous qui sommes en train d'affirmer quelque chose à Allah? Non, c'est Allah lui-même qui les a affirmés ces choses-là. Donc quand on dit qu'il est au-delà de son trône, et quand on dit qu'il a une main, et quand on dit qu'il a des yeux, hein, et tous les autres attributs qu'il s'est affirmés pour lui-même, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons affirmé ces choses-là à Allah? Non, ces choses-là sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ce n'est pas qu'on fait une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. De faire une ressemblance, qu'est-ce que ça signifie dans la réalité? Ça signifie que quelqu'un, il dit, Allah a une main, et il dit, la main d'Allah est comme la main des êtres humains. Celui qui dit ça, là, il a fait le tashbih. Et ça, c'est kufr. Et celui qui dit ça, il est kafir. Et il a quitté l'islam. Hein? C'est un apostat. Il a abandonné la religion d'Allah. Il doit revenir à l'islam et se repentir, sinon il sera exécuté. Hein? Dans un état islamique, selon les règles de la charia. Mais celui qui dit, Allah, il a une main qui lui convient, hein, et elle ne ressemble pas aux mains des créatures, celui-là, il n'a pas fait de tashbih. Il n'a pas fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Donc, il faut faire la différence et la distinction entre les deux. Et le pire, c'est que parmi les gens de bid'ah qui accusent les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a de faire des ressemblances entre la créature et le créateur, et de faire qu'est-ce qu'ils appellent des anthropomorphismes, eh bien, le pire, c'est que ce sont eux les premiers à faire des anthropomorphismes entre Allah et sa créature, puisqu'ils donnent à des êtres humains des attributs divins. Comme par exemple, les soufiïnes, les gens du tasawwuf, qui attribuent à leur shuyur les qualités divines de connaître le ghaib. Hein? Ils prétendent que leurs shuyur connaissent l'invisible, hein? Et qu'ils connaissent le raib. Et ça, c'est de donner à une créature une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est shirk. Et ça, c'est une forme de tashbih aussi. De faire ressembler la créature au créateur. Et ça, c'est kufr également. Celui qui donne à un être humain des attributs divins, il est kafir. Il y en a parmi les soufis qui croient en ce qu'on appelle « rijalul ghaib », les hommes de l'invisible. Et ils affirment également qu'il y a un « qutb » ou bien « al-ghawth » ou bien ils disent parfois « qutbul qutb », hein, ça signifie le pôle. Et ils croient que c'est ce « ghawth » ou c'est ce « qutb » qui gouverne et qui gère le monde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont un malheur, et lorsqu'ils ont un problème, et lorsqu'ils ont une détresse, c'est à ce Rauf ou à ce Qutb qu'ils s'adressent. pour leur demander de les sauver. Et c'est pour ça que vous les trouvez lorsqu'ils ont un malheur ou une détresse. Au lieu de dire, Ya Allah, unsurna, Ya Allah, arithna, au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ya Ahmed Tijan, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Fulan, ils appellent leurs shuyukh parmi les gens des turq soufiya, au lieu d'invoquer Allah. Et ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk dans l'adoration. Et ça, c'est pour dire que ces gens-là prétendent que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui suivent la croyance et la aqidah des salafs, ont fait le tashbih en affirmant à Allah les attributs qu'il s'est affirmés pour lui-même, alors que ça n'a rien à voir avec le tashbih, et ça n'a rien à voir avec le fait de donner à Allah des ressemblances, mais eux, ils affirment et ils donnent à des créatures des attributs d'Allah et des qualités divines. Et ils les invoquent et ils les prennent pour des divinités en dehors d'Allah et pour des intercesseurs. Et comme, ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs dans l'adoration. Et par la suite, ils accusent les gens de Ahlus Sunnah de faire du tashbih. Alors que ce sont les premiers à faire le tashbih en faisant ce genre de choses. Donc ça, c'est des explications qui montrent la contradiction de ces gens-là. Donc le cheikh, il dit, وَقَالَ تَعَالَى هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم أحدا يساويه سبحانه ويساميه في على الحقيقة؟ وليس معناه لا يتسمى أحد باسمه كالملك والعزيز. Donc le cheikh explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65 dans sourate Maryam, hal ta'lamu lahu samiya, est-ce que vous lui connaissez un équivalent ou un ego? Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui est égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question, en réalité, c'est une négation, et en même temps il dit, et ça ne signifie pas que certaines personnes peuvent, on peut appeler certaines personnes par certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Al-Malik ou Al-Aziz. Quand quelqu'un est un roi, on peut l'appeler par ces noms-là. Mais, bien entendu, on a expliqué hier la différence entre un roi parmi les hommes et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit le roi de toute la création. Que le roi dans cette vie, il est un roi juste pour une période de temps. Et après, il perd son royaume. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi absolu. Le roi des rois. Celui qui est au-dessus de tout. Il dit, وَقَوْلُ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي فِيهَا إِثْبَاتُ الْأَحَدِيَّ وَالصَّمَدِيَّ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَنَفْيُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَنَفْيُ الْمُشَابَهَةِ والمثلية له فلا يشبهه شيء من خلقه. Donc il dit tout ça, c'est pour nier les ressemblances ou de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des équivalences ou des ressemblances, et également pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'unicité et qu'il est as-samad. Et donc tout ça, c'est tiré de surat al-ikhlas. Donc ça, c'est pour cette partie. Et les deux vers suivants, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit, encore une fois pour réfuter les Jahmiyyah au sujet de l'attribut du fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, il dit dans le vers numéro 8, وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا بِمِزْدَقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُصَرِّحُ. Et le vers numéro 9, رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. C'est-à-dire, le Jahmi, c'est-à-dire celui qui est sur la voie des Jahmiya et qui nie les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui nie certains des attributs d'Allah, il y a certainement qu'ils vont nier ce qu'on a mentionné à ce sujet-là. Mais nous, on a avec nous quelque chose qui vient confirmer et prouver que cette chose-là, elle est vraie dans un hadith qui est clair et explicite. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. On a un hadith clair à ce sujet-là qui est rapporté par Jarir. رواه جرير عن مقال محمد. Il est rapporté selon Jarir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette chose-là à propos du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ. Et donc toi dis la même chose que ce hadith-là a dit, et là c'est sûr que tu vas être sauvé dans ce cas-là. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Abi Daoud à ce sujet, et le Cheikh Al-Fawzan il explique. قَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ رُؤْيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا مُسْتَنَدَّ لَهُ فِي ذَلِكَ ونحن عندنا في إثبات الرؤيا أحاديث كثيرة متواترة من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقد ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو كتاب في الجنة وأوصافها وما فيها وقد ذكر رؤية الله وأورد الأحاديث المتواترة فيها بسياقاتها وأسانيدها ورواتها. Donc le cheikh il dit et donc certes le Jahmi va nier là le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et ils n'ont aucune référence pour le nier. En réalité, nous avons pour affirmer que Allah sera vu par les hommes au jour de la résurrection beaucoup de ahadith qui atteignent le nombre de at-tawatur tellement qu'ils sont nombreux, et c'est rapporté par un grand nombre d'entre les sahaba et il dit que l'imam Ibn al-Qayyim les a mentionnés dans son livre Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, quand il a parlé du fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis et qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc ça c'est mentionné dans ce livre. Et juste en passant, justement par rapport à ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, c'est un livre qui décrit les délices de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mu'minines dans le paradis, qui est basé sur le Coran et la Sunna. Et c'est important aussi, et c'est intéressant de le mentionner, du fait que un des arguments qu'on mentionne également pour réfuter les arguments des Mu'attila, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et la Sha'ira et les Maturidiya, qui nient les attributs ou la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous parle du paradis dans le Coran. Et dans le paradis, il y a des choses qui sont mentionnées et dont on ne peut pas comprendre la réalité, puisqu'on les a jamais vues. Mais Allah nous a parlé de ces choses-là. Mais on les affirme telles quelles. On ne va pas les déformer dans leur sens, parce qu'on ne connaît pas leur réalité. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que dans le paradis, il y a des rivières de miel, des rivières de vin, des rivières de lait, et des rivières d'une eau pure. Donc tout ça, ce sont des preuves qu'il y aura ce genre de choses, et on ne peut pas imaginer ces choses-là dans cette vie d'ici-bas. Vous imaginez maintenant sur cette terre, dans cette vie, une rivière de miel, combien il y aurait de saleté, de poussière qui serait tombée dedans et qui resterait collée. Donc, ça, c'est pour cette raison, si on imagine ça selon notre monde aujourd'hui, on va dire quoi? On va dire, mais non, c'est pas possible qu'il y ait une rivière de miel. Et ces gens de Bid'a, ils commenceraient à dire, non, il faut réinterpréter. C'est pas vraiment du miel, c'est autre chose, Ça, c'est de l'égarement. Donc, ça, c'est ce qu'ils font à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont pas capables de comprendre la réalité de ces attributs-là. Et que la seule chose qu'ils réalisent ou qu'ils comprennent, c'est la réalité de ce qu'ils voient chez les créatures, donc ils le nient à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font la même chose. Donc ça c'est l'égarement en réalité. Donc, les choses qui sont mentionnées au sujet du paradis font partie du Raïb, et Allah subhanahu wa ta'ala nous les a mentionnées juste pour nous donner des connaissances au sujet de ce qu'il y a dans l'au-delà pour préparer pour nous. Mais si on n'arrive pas à comprendre la réalité de ces choses-là, c'est pas un prétexte ou une raison pour nous de les nier. Hein? Et non seulement qu'il y aura des rivières de miel et de vin et de lait et d'eau, mais en même temps, il mentionne même dans un hadith que ces rivières-là, elles n'ont pas de lisière. C'est-à-dire, elles ne coulent pas dans un lit comme les rivières de cette vie. Elles coulent dans les airs. Hein? Donc, comment tu peux imaginer ça? Hein? Tu ne peux pas imaginer quelque chose comme ça dans cette dunya. Donc, si c'est comme ça pour les choses de cette vie, alors tu peux pas nier non plus les choses qui ont rapport à, c'est-à-dire si c'est des choses qui ont rapport avec le Jannah ou l'Akhirah, tu les nies pas, alors la même chose pour les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que les Mu'tazila et les autres, ils nient ça, ils nient ces réalités là parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre rationnellement et logiquement selon les questions de cette dunya, ils le rejettent. Et il le nie. Par exemple, Adab al-Qabr, il le nie. Et on va y arriver à ça. Ils ne croient pas qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ils ont dit, non, on a déterré le corps, on a regardé, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de Jannah, donc ça, c'est pas vrai. Yani, subhanallah, ça c'est des choses du Raïb. Toi, tu veux essayer de les calculer. Hein? C'est comme si quelqu'un il va dans le cimetière, il met un thermomètre par terre pour voir est-ce que la température augmente, est-ce à cause du feu ou quoi. Ça, c'est des choses, c'est une autre dimension, c'est un barzakh. Tu ne peux pas comparer ça avec les règles de ce monde. Mais eux, ces gens-là, ils ne comprennent pas ça. Et ils veulent comprendre Allah subhanahu wa ta'ala avec leur raison. Et comprendre le raïb avec leur raison. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement à propos de ces choses-là. Donc, on les affirme tels que Allah les a mentionnés. Il dit « wa qawlu nazim » رحمه الله تعالى رواه جرير وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من جملة الرواة من الصحابة إلا فقد رواه غيره من الصحابة فالناظم رحمه الله أراد أن يمثل فحسب. Donc le cheikh explique, il dit رواه جرير, ça c'est les paroles de l'imam Ibn Abi Dawood qui a mentionné le hadith à propos du fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, hein, sans devoir se bousculer. De la même manière qu'on voit la lune lorsqu'elle est pleine dans le ciel et qu'il n'y a pas de nuages. Donc ça c'est l'exemple du hadith rapporté par Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Et il y a beaucoup d'autres également parmi les sahaba qui ont rapporté ce hadith-là. Et l'imam Ibn Abi Daoud, il mentionne uniquement ce sahabi-là comme un exemple seulement, c'est-à-dire que c'est pas seulement ce sahabi-là qui l'a rapporté ce hadith, il y en a beaucoup d'autres aussi. Il dit « An maqali Muhammadin, ay yarwihi jarirun min qawli Muhammadin Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » en voulant dire que cette parole que rapporte Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali, c'est une parole qu'il mentionne de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ قُلْ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam تَنْجَحْ وَلَا تُخَالِفْ قَوْلَ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam فَتَخْسِرْ فَإِنَّ الرَّسُولَ sallallahu alayhi wa sallam لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ La yatatarraqu ilayhi shak. Donc il dit, si tu veux être sauvé, dis la même chose que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? Et tu auras le succès. C'est-à-dire, ne contredis pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que si tu contredis sa parole, tu vas être perdant. Donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon sa passion. C'est uniquement une révélation qui lui est révélée. Comme Allah le dit dans Surat al-Najm, le verset 4. Hein? Et c'est une vérité donc sur laquelle il ne peut pas y avoir aucun doute. Donc, si vous voulez, on s'arrête ici, Inch'Allah, puis on continue demain pour la suite, Inch'Allah, après le Fajr, le vers numéro 10. dans l'explication de Al-Ha'iyya, et le vers qu'on va expliquer demain, c'est وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَنْفَحُ. Et on va parler des attributs des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala que les Jahmiyyah ont nié. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.